tu restes sur le carreau. Grave de jouer les tarés, plus en classe et les tarots. C'est qu'est-ce qu'on est préparé, même en peine t'es ben Tiger. Joue pas les Tigers, ici ça vend la baïda. Envoie des litres en pagaille. Pardonnez-moi, j'suis dans ma favela. Pardonnez-moi, ils sont chocs derrière une caméra. Je fais mes bises, je me connais, je commence à t'aimer. T'es pas fou, sinon ça serait. J'ai plus de monnaie, son cœur je l'ai volé. Faut pas t'affoler, même si tu les vois me coller. On va faire une vente d'état. On a acheté des armes. C'était tous mes gants. Maintenant je les vois bizarre.